cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Famada akhadna fi darsina al-akhir, fi al-iqtisad, fi al-i'tiqad. Tadal. نعم صفة الوجه تذكر دليلا على صفة الوجه وأخذنا صفة ماذا كذلك ينوض صفة تفضل صفة النزول تذكر دليلا قوله صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يمضي شمس الليل فيقول أنا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يستغفرني نعم أحسنت إلى آخر الحديث فالشاهد ينزل ربنا وفي لفظ ينزل الله عز وجل فسدو صفات صفة الوجه صفة النزول سدو صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى وبعض أهل البدع وبعض المعطلة المحرفة قالوا أن المراد بالنزول نزول الأمر أو نزول ملك من الملائكة أو نزول الرحمة فحرفوا المحرفة ils ont déformé et ils ont interprété cette sifa avec leur manhaj batil فإذا ont dit أن ce qui descend في آخر الليل c'est pas Allah سبحانه وتعالى c'est الأمر c'est son ordre ou c'est un ange ou c'est الرحمة لو كان المراد كما يقولون الملك أو الأمر والرحمة ماذا يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أي الذي ينزل celui qui descend يقول chaque dernier tiers de la nuit من يدعوني فأستجيب له أي qui c'est qui m'invoque فشو lui réponds هذا لا يليق بالملك qui disent هذا et le malak il dira jamais ça montre que c'est batil ça montre que celui qui descend vraiment في هذا الحال c'est Allah subhanahu wa ta'ala والله المستعان كذلك on a rajouté une chose تفضل أسألهم هل الملائكة ينزلوا إلى إلى إلى السماء الدنيا فقط أحسن إلى الأرض والرحمة والقمر ينزلوا إلى آخر الليل في هذا الوقت فقط أي لأن في الحديث يا دو شوز أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فإسكو les anges أو الأمر والرحمة Ils descendent فقط jusqu'à sama ad-dunya. Ça montre que c'est batil. Ça montre que le murad, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui descend lui-même. كذلك, le temps. أنه c'est في ثلث الليل, الآخر, qu'Allah descend. فهل الملك descend que à ce moment, ou الرحمه descend que à ce moment, et dans les autres moments, ça, elle ne descend pas. فنعوذ بالله من الانحراف. On avait cité ces deux rodos de l'ikhtisar. وإلا العلماء ردوا على هؤلاء الأشاعرة المحرفة dans cette مسألة et في غيرها avec des ردود قوية إن شاء الله تأتي معنا قليلا قليلا قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم اليدان Donc, sifatul yadayn. Fi hada al-fasl, al-mu'allif rahimahullah, il a cité des preuves min al-Qur'an ou min al-sunnah ala hadhihi al-sifa. Cet attribut, les mains. Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains, jalla wa ala. Wa taqaddam ma'ana anna al-sifat nutthbituha si on a un dalil min al-Qur'an ou min al-sunnah. Ou les deux. فلهذا قال ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز Donc on a un دليل من القرآن الكريم قال الثابت عن رسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم Et on a كذلك des preuves في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أن الله عز وجل لا دوما فلهذا نثبتها فلا يجوز لأحد أن يقول لماذا وددك الله لا دوما وبعض الناس يقولون مثل هذا الكلام. Pourquoi tu dis qu'Allah il a deux mains? هكذا يقولون. Alors que, في الحقيقة, on a des preuves من القرآن ومن السنة. Et Allah سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبصفاته عز وجل. نحن في كرابورتي كلام الله سبحانه وتعالى. Et كذلك, أعلم الناس. Et بالله عز وجل, c'est le prophète صلى الله عليه وسلم. Il a informé qu'Allah il a deux mains comme سيأتي. لكن, on revient toujours au même point, أن البعض لما يسمعون quand ils entendent واحد من أهل السنة dire que Allah il a un visage كما تقدم, que Allah il descend, que Allah il a deux mains, ils pensent que tu fais ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à la créature. Et c'est là أصل الظلال في هذا الباب. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah c'est le سميع, c'est le بصير. Et certaines créatures كذلك ils ont ce صفات السمع والبصر. لكن ليس كمثله شيء. سمع الله c'est pas que السمع البشر وبصر الله c'est pas comme بصر المخلوق أبدا. فهكذا صفة اليدين. On répète أن حتى المحرفة ils ont accepté هذا في بعض الصفات. Si tu leur demandes est-ce que Allah il a صفة العلم, ils vont te dire نعم. Allah il a l'attribut de la science, il sait tout. Est-ce que l'être humain il a du علم, ils vont dire نعم. On a beaucoup de adillah في هذا. Il le prouve. Les êtres humains, ils ont de la science, chacun par rapport à son niveau. Est-ce qu'on va dire là, on ne dit pas qu'Allah il a du ilm, mais en certains ibad, ils ont du ilm. Ilm Allah, ce n'est pas comme ilm al-makhluq. Si on acceptait ça dans le sifat al-ilm, dans le sifat al-hayat, dans le sifat al-quwa, dans le qudra, etc., toutes les sifat que certains égarés yuthbitoun, que l'ash'ira, ils acceptent, comme ça y a été ma'ana, comme on a déjà vu dans la kalima qu'on a fait sur les sectes, sur l'ajara, ils acceptent cette sifat. Et parmi ces sifat, l'ilm ou l'hayat, il est akhir. Qu'est-ce que les autres sifat? Si vous avez accepté cette sifat pour vous, et ces sifat qu'ils ont accepté, là, chaque anna, pour eux, ça ne ressemble pas aux créatures. Qu'est-ce que les autres sifat? Et on avait montré, wa lillahi alhamd, ensemble, que hatta fi ithbatihim ba'd hadhihi sifat li sept, in harafu, la yuthbituna haka. كإثبات السلف يعني بالسيت الإكزامبل صفة الكلام على كل حال si on a un nos on a une preuve من القرآن ومن السنة dans une صفة que ça soit une صفة ذاتية أو فعلية فأون لأكسبت أون لأكسبت لماذا لأن on a un délire أما rejeter la صفة لماذا لأن الإنسان il pense que ça fait le fait d'accepter cette صفة c'est une ressemblance aux créatures هذا c'est un égarement très très grave. وإلا فنحن نبوز لا كيستيون هؤلاء فلماذا الله سبحانه وتعالى لا سيتي صفات في القرآن si c'est de l'égarement ou si on peut mal comprendre لماذا il les a cités لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم il a récité هذا القرآن il a propagé هذا القرآن en citant ses attributs et personne n'a compris une ressemblance لماذا الصحابة رضي الله عنهم ils ont accepté هذه الصفات وهكذا الأئمة أئمة السنة حتى un groupe d'égarés qui est sorti الجهمية ثم المعتزلة ثم après eux الأشاعرة jusqu'à nos jours أنهم quand ils entendent واحد من أهل السنة dire أن الله لا هذه الصفات que ce soit le visage que ce soit les mains إلى آخره كأن هذا السني l'a prononcé du كفر كأن ce سني l'a dit une parole de mécréance alors que هذا السني fait que rapporter ما جاء في الكتاب وفي السنة فاسمع إلى قول الله عز وجل الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله إلى ستدي بخب على صفة اليدين قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان donc les deux mains sont citées في القرآن يداه قال عز وجل يداه c'est مثنى في اللغة العربية أي deux mains tu dis يد et tu dis اليدان أي quand c'est deux فالله سبحانه وتعالى قال بل يداه أي c'est deux mains elles sont mabsoutatan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut. Enfin, il a bien attribué, il a bien cité plutôt Azza wa Jal, sifatu al-yadayn. Fanahna, on dit, Allah il a deux mains. Comme j'ai fait le Coran. Wa qala Azza wa Jal, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam de ses deux mains, biyaday. Ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. وروى أبو هريرة ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم il a raconté l'histoire de Adam et Moussa quand ils se sont rencontrés. Moussa عليه الصلاة والسلام قال لآدم أنت أبونا. Et tu es notre père, c'est le premier des êtres humains. On est tous des enfants de Adam, on fait tous partie de sa descendance. خلقك الله بيده. Allah t'a créé avec sa main. Et dans le verset خلقت لما خلقت بيدي. Ça nous montre bien أن الله عز وجل il a créé Adam avec ses mains, سبحانه. قال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. هذه القصة المعروفة الحديث الذي في الصحيح أن موسى عليه الصلاة والسلام il a dit à Adam أنه c'était lui la cause que l'être humain il est sorti plutôt de la jannah. فقال آدم أنت موسى كلمك الله تكليما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته فبكم وجدت في كتاب الله وعصى آدم ربه فغوى. كتاب الله أي في التوراة. ça montre, ça prouve أن هذه الآية elle est citée في التوراة. Bien sûr, la Torah qui n'a pas été falsifiée. فلهذا قال فبكم وجدت في كتاب الله أي في التوراة. قال بأربعين ألف سنة. قال فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين ألف سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. أي آدم عليه الصلاة والسلام il a répondu à Moussa أن هذا الشيء qui lui a reproché عليه الصلاة والسلام الله lui a قدر avant de l'avoir créé. Et Adam il a fait tauba wa taba Allah alayhi. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a démontré que Adam alayhi salatu wa sallam hajja Moussa. Aïe, sa hujja est passée avant celle de Moussa. Aïe, les reproches qu'il lui a fait, Adam il a fait tauba et Allah il lui avait qadr hada. Walillahi alhamd, on verra hada al-hadith plus en détail fi bab al-qadr. Hey, ce hadith c'est une preuve cadalique sur le destin. Amma huna, ce qui nous intéresse c'est qawluhu khalaqaka Allahu biyadih. Donc le hadith n'am il est fi al-sahih, fi sahih al-Bukhari, et certains alfaz elles sont dans d'autres hadiths fi al-Bukhari autres que hadith Abi Hurayra. Et celui qui veut al-tafsil il lit al-tahqiq. Fal-muhim anna al-hadith n'am أن هذه الألفاظ في صحيح البخاري. قال الإمام المقدسي رحمه الله فلا نقول يد كيد ولا نكيف ولا نشبه ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة من غير تحديد ولا تشبيه ولا يصح حمل اليدين على القدرتين إلى آخره. Dans ce passage, كما تقدم comme on a vu كثيرا ensemble, الإمام المقدسي رحمه الله montre أن هذا الإثبات أي cette affirmation أن الله سبحانه وتعالى il a deux mains, il a l'attribut des mains عز وجل, on n'a pas le droit de penser que les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme les mains de la créature. فَلَا نَقُولْ يَدٌ كَيْدٍ. لِمَاذَا لِأَنَّ هَذَا الْمَبْدَ. هَذَا الْمُعْتَقَد. Cette pensée, cette croyance. Aïe, al-ba'd. Quand ils entendent Allah subhanahu wa ta'ala, il a des sifat. La main, les mains, le visage, il a akhiré. Automatiquement, ils pensent que ça ressemble aux créatures, aux attributs des créatures. Ça les a poussés à l'égarement. إما تمثيل عيادا بالله إما ils ont fait ressembler Allah à sa créature إما تعطيل إما ils ont rejeté le صفة لأن ils ont su que Allah il ressemble pas aux créatures et c'est حق لكن ils ont exagéré et ils ont dit Allah il a pas de صفة إما ils ont pensé que Allah subhanahu wa ta'ala il a bien dit qu'il avait des mains لكن le sens c'était pas des mains des vraies mains لأن l'être humain il a des mains et ils ont déformé فالحذر من هذه الأفكار الخطيرة. Et comme من مسلم à notre époque, beaucoup de musulmans ils ont été touchés par هذه الأفكار. لماذا لأن مذهب At-tahrif, madhhab al-ash'ira, il est très répandu à notre époque. Ça nous montre l'importance d'apprendre l'aqida des salaf. Khassatan hadha al-bab al-muhim, bab al-sifat, et naslak maslak al-salaf. Sans rajouter, sans enlever. Allah, il a des mains, il a des mains. Est-ce qu'elle ressemble aux mains des créatures? Na'oudou billah. Allah qal laysa kamithlihi shay. Est-ce que c'est des vraies mains? Na'am, Allah, il a dit deux mains. Et fil hadith que l'imam al-Maqdisi n'a pas cité, kilta yadayhi yamin. Ces deux mains, c'est des mains droites, azza wa jal. Fa, nu'min bihad. Sans faire de tamthil, comme a dit l'imam al-Maqdisi. Kadhalik qal, on a nous kayif. Et on ne cherche pas à savoir comment. Est-ce que si Allah il a des mains, ça veut dire que ça implique qu'il a kada et kada? Na'oudou billah. Allah il a dit il a des mains, c'est des mains. Et pour nous, c'est min ilm al-ghayb. On n'a jamais vu Allah azza wa jal. On n'a que le khabar. Comme on taqaddam ana, on n'a que l'information que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le Coran al-Karim. Et il a révélé azza wa jal à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit il a des mains. Voilà nous kayif. Et on s'écarte du comment. Et là, c'est kadhalik, c'est un bab d'égarement. Et il n'y a aucune utilité. On en aurait besoin, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait révélé au prophète alayhi salatu wassalam. Si Allah il nous a pas montré le kayfiyya, Allah il est a'lam, et c'est le hakim. Donc, nous bi as-sifa. Allah il a des mains. Qal wala nushabbih, taqaddam. Wala nata'awwal al-yadayn ala al-qudratayn. Et ça c'est important. Limada? Il y en a un groupe parmi les égarés. Un groupe parmi al-mu'attila, ceux qui rejettent les sifat, yuharrifoun, ils déforment. Ils ne rejettent pas la sifat directement. Ils ne vont pas dire là, Allah il n'a pas de main. Comme ils disent al-jahmiya ou al-mu'tazila. Là, ha'oula, ils vont dire, na'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les mains, lakin, al-haqiqa, le sens c'est al-qudra. Al-qudra, c'est la capacité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam avec ses mains. Hum, ils disent, hey, avec sa capacité. C'est ça le sens, indahum. Isma' hadha al-kalam al-nafis. Haqiqa, en quelques lignes, l'imam al-Maqdisi, rahimahullah, radda ala ha'oula al-muharrifa, avec un rad qawi. Qal wala nata'awwal al-yadayn ala al-qudratayn. Et, haqiqa, c'est du tahrif. C'est du tahrif, lianna, ils ont suivi leur passion fi hadha, iyadam billah. Ils ont contredit la voix des salaf. Wala nata'awwal al-yadayn ala al-qudratayn. Comme يقول اهل التعطيل والتاويل. C'est pour ça que في الحقيقه المحرفه المؤوله الاشاعره كذلك ceux qui les ont suivis في هذا كالماتريديه والكلابيه ces groupes في الحقيقه sont des معطله. لماذا؟ لان ils ont rejeté الصفه comme ils ont fait الجهميه والمعتزله لكن avec une طريقه différente. أما الجهم والمعتزلة يديهم directement الله لا pas de main. أما المحرف الأشعري كذلك si tu lui demandes est-ce qu'Allah il a des vraies mains, في الحقيقة لا يؤمن باليدين. C'est pour ça que c'est un معطل. لكن avec une طريقة فيها مكر وخداع ils rusent, ils essayent de faire croire أنهم ils ont du علم, ils ont compris les nosos et ils les expliquent à leur façon. قال بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة من غير تحديد ولا تشبيه ولا يصح حمل اليدين على القدرتين. Deuxième fois qu'il cite هذا رحمة الله عليه. Et on n'a pas le droit d'expliquer les deux mains par القدرتين. لماذا؟ Pourquoi؟ قال فإن قدرة الله عز وجل واحدة ولا على النعمتين. Donc première explication, premier tahrif, ils expliquent les deux mains par القدرتين. فاليداه مبسوطتان عندهم سي دو قدرة. الله إلا كري آدم avec ses deux mains عندهم سي دو قدرة. الإمام رحمه الله إلا répondu قال فإن قدرة الله عز وجل واحدة. الله إلا pas دو قدرة. إلا pas دو capacité. الله سبحانه وتعالى إلا capable de tout. قدرته مطلقة لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وهو على كل شيء قدير. Et on récite tous مثل الأذكار. مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. On récite souvent هذا الذكر الطيب العظيم. Et ce verset وهو على كل شيء قدير il est cité كثيرا في القرآن. فالله il est capable de tout. فإسك C'est sahih d'expliquer les deux mains par deux qudras. Na'oudou billah. Ah, c'est batil. Allah, il n'a pas deux capacités. Il a une capacité. Cette capacité, et il est capable de tout. Donc, on n'a pas besoin de dire deux ou trois. Allah, il est capable de tout. Ça nous montre le fait que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a cité sifatul yad avec hadi sira et muthanna. Et deux mains, ça nous montre que c'est des vraies mains. Les anna, tu ne peux pas expliquer deux mains par deux qudras. En langue arabe, ça n'existe pas. Thaniyan, qal wala ala ni'matayn. Il y en a le bard, ils disent que l'explication des mains, c'est un ni'ma. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam avec ses bienfaits. Qal wala ala ni'matayn. فَإِنَّ نِعْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُحْصَى كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. كذلك expliquer les deux mains par deux ni'mas, c'est grave. لأن كما قال الإمام رحمه الله فَإِنَّ نِعْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُحْصَى. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont on ne peut pas les compter. لا تعد ولا تحصى. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des ni'mas à l'infini. Expliquer les deux mains par deux bienfaits, c'est restreindre la haqiqa, les ni'am d'Allah Azza wa Jal. Quelle preuve anna Allah il a deux ni'ma. Et il a cité le verset wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Et si vous voulez compter les bienfaits, les ni'am d'Allah Azza wa Jal, la tuhsuha, vous ne pourrez pas les compter. C'est incomptable, c'est indéfini. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut. Il fait ce qu'il veut, Azza wa Jal. Ça nous montre, on a expliqué les deux mains par deux ni'ma, c'est batil. Ça nous montre que c'est des vraies mains. Qala, wa kullu ma qala Allahu Azza wa Jal fi kitabihi wa saha an rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bi naqli al-adl, ani al-adl. Et ça c'est tayyib. Vous avez remarqué que l'imam al-Maqdisi rahimahullah, il répète souvent cette règle qu'on a citée dans le premier dars. أن هذا الباب العظيم باب الأسماء والصفات c'est un باب توقيفي محض. Il y a pas de place pour je pense ou faire les comparaisons ou on m'a dit ou واحد veut réfléchir pour déduire un attribut ou penser que telle chose ça ressemble à telle chose mais nafsi, tout ça c'est batil. C'est un باب توقيفي. On a un délil, on dit qu'Allah il a cette sifa. On n'a pas de délil, on s'abstient. Si c'est du naqs, si c'est une faiblesse, un défaut, on dit Allah subhanahu wa ta'ala nazzaha nafsahu ani an-naqais wal 'uyub. Eh, walillahi alhamd, nartah. Falihada qala wa kullu ma qala Allah 'azza wa jalla fi kitabih. Chaque dalil qu'on a fi al-Qur'an al-Karim. Wa sahha 'an rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Chaque dalil sahih qu'on a fi sunnat nabi sallallahu alayhi wa sallam sur un nom ou un attribut, on accepte. Sans faire de tahrif. Anzuru al-Ash'ari, ils ont voulu comme ils disent, s'éloigner, s'écarter du tamthil. Ils ont voulu dire Allah subhanahu wa ta'ala, ses mains en fait c'est la qudra. Ou ses mains en fait c'est la ni'ma. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans le tamthil. Ils pensaient que les deux mains d'Allah c'est comme les deux mains des créatures. Fawaqa'u fi dhalal. Kadhalik ala qawlihim al qudra. Ils disent que les mains c'est la qudra. Pour ne pas faire ressembler Allah à la créature. Nous on leur répond, kadhalik l'être humain il a de la qudra. Donc pourquoi tu dis qudra? L'être humain kadhalik il a al qudra. Oh, ils vont dire, là, c'est une qudra, c'est une capacité, pas comme celle de l'être humain. Enfin, on leur dit, valimada, vous ne faites pas la même chose avec les mains, et tout riche nafsa. Allah, il a des mains, pas comme les mains des créatures. Mais si tu dis qudra, qu'est-ce que tu vas dire? Inda qawlillahi azza wa jalla, bal yadahum mabsutatan. Les deux mains d'Allah, s'ils expliquent par al-qudra, ça va donner al-qudratan. Et deux qudra. Taqaddamak, c'est batil. S'ils disent ni'ma, deux ni'ma, c'est batil. فلهذا celui qui veut se reposer في هذا الباب, celui qui veut être guidé بإذن الله عز وجل, celui qui veut suivre les salaf, ما جاء في الكتاب فيثبته, ما جاء في السنة الصحيحة يثبته, et الحمد لله sera على خير. On fait attention في هذا الباب à suivre autre que la voie des salaf. ثم قال بنقل العدل عن العدل. Ça c'est pour nous montrer أن c'est pas tout les hadiths qui sont acceptés. لأن بعض الأحاديث وبعض الرواة اللي rapportent عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي ضعيف. فأون se base pas sur un hadith ضعيف في هذا الباب. لابد من نقل العدل عن العدل. العدل c'est une personne de confiance qui rapporte عن العدل. Il a entendu ce hadith d'une personne de confiance. Et dans la chaîne de transmission, elle remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit rajouter une chose. هذا معروف في كتب المصطلح كتب علوم الحديث أن العدالة ستسفيبا كذلك لابد من الضبط لأن سبيت خان عدل une personne de confiance qui accroche à santé لكن il a un problème في الضبط الضبط الحفظ c'est la mémorisation فلابد ces deux choses عدل وضبط ça c'est من أهم الشروط du hadith الصحيح والحسن العدل أن يكون عدلا وكذلك الضبط الحفظ. Donc on peut rajouter بنقل العدل عن العدل وكذلك الضبط. مثل المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب والبغض والسخط والكره والرضا والسائر ما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إلى ستة des exemples de صفات. المحبة والمشيئة إلى آخره certaines صفات ستأتي معنا dans هذه الدروس ولله الحمد dans d'autres كتب على كل حال هنا c'est فقط un exemple on n'expliquera pas chaque صفة elles sont citées في الواسطية فon détaillera هناك بإذن الله عز وجل على كل حال ما من صفة que ce soit les attributs qu'il a cités هنا comme exemple ou d'autres فإن صح الدليل Si c'est dans le Coran, alhamdoulilah, le Coran c'est clair. Si c'est un hadith, si il est sahih, on accepte cet attribut. Sans faire de tekif, sans faire de tamthil, sans faire de tahrif, sans faire de parti. Nu'min bi siva, comme les salaf, ils l'ont rapporté. Ils nous l'ont rapporté. Aïe min al-Qur'an wa min al-Sunnah. قال وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين وإن نبت أي نفرت عنها وإن نفرت عنها نبت أي ممسي بعض الجاهلين إذا ما أنتظر مثل هذا الكلام والله البعض سي إذا أنتظر واحد من أهل السنة دير أن الله لا انفزاج مثل ستلكتور قنفد هذا الكتاب أن الله يدسن أن الله لا دوما فبعضهم كما قال رحمه الله واستوحشت منها نفوس المعطلين نفرة أي إذا ما أنتظر هذا كأن المتكلم يبغل فيك جو حرام كأنه يجي جو كفر ولانسلت وفجور عيادا بالله alors que ces noms et ces attributs sont basés sur des versets du Coran sur des hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام واستوحشت منها نفوس المعطلين نعم عندهم c'est quelque chose de غريب quelque chose de pas طيب فإذا استطاعوا de faire taire هذا السني le feront taire ou l'accuser إلى آخره لكن la question qu'on peut se poser الآن لماذا normalement chaque musulman s'il entend un verset du Coran Karim ou un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام ou une مسألة qui est basée sur un dalil ou une sifa qui est citée dans le Coran Karim مثلا notre sujet un attribut ou dans sunna normalement chaque musulman il doit pas avoir ce comportement lakin al-hawa ayadan bila les passions كذلك a'immatu ad-dalal à notre époque كما تقدم مذهب الاشاعره il s'est propagé جدا كذلك مذهب الصوفيه كثير منهم c'est des اشاعره c'est des mu'tazila كذلك مذهب الرفض كثير منهم سيدي معتزلة في باب الصفات المهم beaucoup d'imams à notre époque des imams égarés ils sont على هذا المذهب مذهب التعطيل ça soit des معتزلة أو des أشاعرة فلهذا ils ont éduqué toute une génération à هذا si tu dis Allah il est في السماء عندهم عيادا بالله c'est du كفر chez certains si tu dis Allah il a des mains فعندهم c'est une كبيرة Pourquoi tu dis qu'Allah il a des mains alors que l'être humain il a des mains alors que Allah azza wa jalla qalb li yatah mabsutatan ha'ula ilis le Coran bel كثير منهم يحفظونه ils le mémorisent par cœur لكن الهوى ils vont si tu lui lis le verset il va te dire na'am lakin toujours il y aura ce mot en français mais pourquoi les salaf ils ont pas dit mais les salaf ils ont dit bal yatah mabsutatan mujahid al-imam المفسر رحمه الله ورضي الله تعالى عنه إلى أبقي القرآن عن ابن عباس أو عند ابن عباس Et Ja'a fil athar anna Mujahid rapporte annahu il a étudié le Coran entièrement deux fois avec Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Al-Bahr al-Habr. Tourjouman al-Quran. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui a fait du'a pour qu'il comprenne hadha al-Quran. C'était min a'lam al-nas bi hadha al-Quran al-Karim. Abdullah ibn Abbas. Abu al-Abbas radiyallahu anhu. Mujahid rapporte anna chaque verset, il lui demandait Al-Ma'na. Est-ce que Abdullah ibn Abbas, il a expliqué Al-Yadan par Al-Qudratan ou par Ni'matan, ou il a dit à Mujahid, là, Allah, il n'a pas de main, ou on ne doit pas réciter ce verset, ou si on récite ce verset, il ne comprend pas. Abadan. Abadan. Il comprenait la langue arabe, et les mains, c'est les mains en langue arabe. Donc c'est des vraies mains. Est-ce que c'est comme les mains d'une créature? Abadan. Comment elles sont? Allahu a'lam, on n'a pas de preuve. Et on n'a pas posé cette question. Est-ce qu'elles ressemblent aux mains des créatures? Abadan. Est-ce qu'on les croit? Na'am. Na'am, il y en a, on a des versets du Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a révélé ce verset, c'est qu'on doit y croire. C'est ça, madhhab al-salaf. Kalamun mukhtasar et jamil de hadha al-imam fi hadha al-sifa. Et c'est ça l'ilm, ya ikhwan. Andharu, il a cité en une phrase, annahu Allah il a des mains. Pourquoi? Li'anna, c'est cité dans le Coran et dans le Sunna. Thumma, ilmun, il cite ces versets du Coran. Ça nous montre l'importance de l'hifd, l'importance du ilm. Ne pas prétendre une chose, anna telle chose c'est halal ou telle chose c'est haram, ou dans notre sujet encore plus important, les attributs, thumma on n'a pas de dalil. L'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, al-Haqiqa, ce genre de abwab, ce genre de rasail, c'est des durus pour nous. Et c'est ça l'ilm. Allah, il a des mains. Tayyib, c'est quoi le dalil? Il a cité un verset du Coran al-Karim. Thumma, il a cité un deuxième. Thumma, il a cité un dalil. Et fil haqiqa, kama ta'lamoun, anna le but de hadha l'imam, c'était l'ikhtisar, c'était de résumer. C'est une risala pour les débutants, celui qui veut connaître sa aqidah, l'ikhtisar du fil i'tiqad. Un résumé. Mais vraiment résumé bénéfique de cette aqida. Wa illa al-imam al-Maqdisi rahimahullah, il aurait pu citer des dizaines de hadiths fi hadha al-bab. Thumma, après avoir cité les preuves, raddun, c'est ça l'ilm. Yanna al-imam al-Maqdisi rahimahullah, il vivait à une époque anna hadha al-madhhab, il était déjà propagé, madhhab al-ash'ira, ay madhhab al-tahrif, il déformait les sifat. En quelques lignes, un radd. Anna, vous dites que l'explication sur le Qudratan, c'est pas possible. Allah, il a Al-Qudra al-Mutlaqa. Pourquoi vous dites deux? Un Ni'matan, vous expliquez par Ni'ma, c'est pas possible. Allah, il a pas que deux Ni'ma. Il a pas que deux Ni'am. Il a. Wa in ta'uddu ni'mat Allah, la tuhsuha, comme ja'a fi al-Qur'an. On nous redoute avec des versets du Qur'an al-Karim. Sans ma mise en garde de Oula, et t'explique Al-Manhajiyya. Si t'as un dalil, min al-Qur'an ou min al-Sunnah, que ce soit Sifatul Mahabba ou Al-Mashiyya, il a akhiré, tu appliques ce manhaj qu'il a cité. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarhama. Hakada kutub ahl al-ilm, fiha baraka. Très résumé et très simple. Thumma qala Sifatu al-Nafs. قال المؤلف رحمه الله ومما نطق بها القرآن وصح بها النقل من الصفات النفس قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وقال عز وجل كتب على نفسه الرحمة وقال عز وجل لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي. Thumma, il a cité l'attribut du nafs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a un nafs. Et c'est un attribut, comme taqaddam, on n'a pas le droit de faire de tamthil, on n'a pas le droit de faire de takif. On accepte cet attribut. Wa hadha an-nafs yaliqu billahi 'azza wa jalla. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Il a cité ces trois versets du Coran qui sont clairs. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. C'est le deuxième ash-shahid. Amma le premier, ta'lamu ma fi nafsi, c'est nafs Isa alayhi salatu wassalam. Wa la a'lamu ma fi nafsik, ay fi nafsi Allah azza wa jalla. Donc, on a un dalil clair. كذلك قوله كتب على نفسه الرحمة أي الله عز وجل واصطنعتك لنفسي سلام من الشوز. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. سيسا الشاهد قوله عز وجل سان حديث قصي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الحديث كما قال في الحاشية رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه أي c'est لفظ الإمام مسلم c'est la version de l'imam مسلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. رواه قال البخاري ومسلم. فنؤمن بهذه الصفة صفة النفس et les preuves elles sont claires في هذا الباب. ثم قال رحمه الله وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم أي باب الرؤيا. من عقيدة أهل السنة إلى ستة هنا الإجماع لولانيميتي دسامون دولا السنة أن المؤمنين يذكرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وهنا دي أدلة أن يذكرون الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر أي يوم القيامة le jour du jugement et كذلك في الجنة. C'est pour ça qu'il a dit في الآخرة. Il a pas dit في الجنة. لأن كذلك الله سبحانه وتعالى يسرى في أرض المحشر أي le jour du jugement, le jour des comptes أي avant de rentrer في الجنة. Donc à deux endroits. كما جاء في كتابه والصحة عن رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc on a هذا الإيمان. Pourquoi? لأن on a des preuves. Et parmi ces preuves, قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة avec un ضاد c'est الحسن والجمال. وجوه يومئذ ناظرة أي جميلة حسنة. C'est pas ça الشاهد. الشاهد c'est le deuxième verset إلى ربها ناظرة. Ça c'est من النظر أي إلى ربها ناظرة أي هذه الوجوه الجميلة. Ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shahid, c'est le deuxième. C'est le deuxième verset. قال وروى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 et dans une riwaya ليلة البدر et c'est la même la 14e nuit c'est ليلة البدر أي quand la lune elle est pleine. فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته et dans une riwaya لا تضامون avec التجديد وفتح التاء في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وفي رواية سترون ربكم عيانا. هذا الحديث نستفيد منه أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفهم قال إنكم سترون ربكم أي فوفيغي الله سبحانه وتعالى كما ترون هذا القمر. وهنا on a déjà expliqué هذا في اللامية وفي كثير من الدروس أن هذا c'est pas du تشبيه أو du تمثيل أي عيدا بالله القمر بالله أبدا أبدا ليس كمثله شيء. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ترون أي la comparaison c'est entre les deux رؤية أي comme vous voyez la lune et dans cette nuit de pleine lune sans nuage, enfin, vous verrez Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, c'est pas la lune qui est comparée à Allah azza wa jalla. Là, c'est la vision qui est comparée à la vision. Et hada, c'est un mythal pour qu'on comprenne. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré à sahaba, comme vous voyez la lune, enfin, vous verrez Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une faïda azima pour nous. Anna, le fait de faire beaucoup d'efforts pour faire partie de haoula, qui rentreront fil jannah et qui verront Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, comme en pleine journée, tu vois le soleil, ou en pleine nuit, khasatan la nuit du 13, 14, 15, quand la lune elle est pleine, tu vois la lune, fa n'est aucun doute an al mu'minina ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. La tudhammuna fi ru'yatihi, ay personne n'aura besoin de bousculer son voisin pour voir. لماذا لان ça sera une ru'ya wadhiha. Fa mathalan nahnu al'an, si on se rassemble des centaines, des milliers de personnes dans un endroit et on observe la lune, on n'a pas besoin de se bousculer. لماذا لان la lune elle est au-dessus de nous et la lune elle est claire. Enfin, tu as plus qu'à lever ton regard et tu verras. C'est pas comme une chose petite qui n'est pas au-dessus, et si on est beaucoup on est obligé de ربما se bousculer l'akhir si on veut voir. هذا مثال عظيم. قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أي صلاة قبل طلوع الشمس أي الفجر وقبل غروبها أي العصر. Et ça, c'est deux salawats très très importants. Sahib Aoun al-Ma'boud, rahmatullah alayh, Sharh Sunan Abi Dawood, il a expliqué ce hadith et il a démontré en ces deux salats. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa in istata'tum an la tughlabu. Tughlab, c'est ne pas te faire battre, te faire vaincre, et ne pas délaisser à des salats. Al-ghalaba tahsul, s'il y a quelque chose qui t'empêche. Mathalan al-fajr, c'est naum. Fabardanas yurlaboun, ils n'arrivent pas à se maîtriser. Farubama yanamoun, il manque la salat du fajr. Kedalik al-asr, il a démontré, rahimahullah, c'est à la fin du amal. C'est une heure, en général, c'est à la fin du amal. C'est avant la tombée de la nuit, c'est à la fin de la journée. Kathirou minanas, rubama, ils ont travaillé, ils sont fatigués, ils rentrent chez eux. Peut-être qu'ils délaisseront cette salat à l'heure. Ou ils ne la feront pas en jama'a. Le Nabi sallam, il a insisté ces deux salats. Al-Fajr ou Al-Asr. Qawluhu wa fi riwaya. Satarawna rabbakum ayanan. Nabbaha al-muhaqqiq. Anna hadhi al-lafza shadda. Shadda, ay. Ba'd al-ulama, ils ont démontré que ce rajout, ce mot ayanan, il est daif. Lakin, il faut bien comprendre une chose, c'est le lafd. Amma le ma'na, il est sahih. Faqawluhu, satarawna rabbakum ayanan, avec vos yeux. Vous le verrez avec vos yeux. Et ça, c'est important. Li'anna ba'd ahl al-bid'a yaqulun, anna c'est une ru'ya qalbiya. Ça ne sera pas avec nos yeux qu'on le verra. Là, c'est avec nos cœurs. Et hada, c'est pas sahih. Là, c'est une ru'ya basariya. La preuve, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé notre vision à la lune avec la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Et la lune, on la voit avec nos yeux, pas avec notre cœur. Fa ya hadith avec hada al-lafd ayanan, lakin ba'd al-muhaqqiqin min ahli al-'ilm, ils ont dha'af hadhihi al-lafd. Wa 'ala kulli hal al-ma'na li sahih. Satarawna rabbakum ayanan, na'am, avec nos yeux. Lakin est-ce que ce lafd il est thabit? Fa huna qala anna hadhihi al-lafd al-shadda, et il a cité ba'd aqwal ahli al-'ilm dans al-hashiya. على كل حال استفدنا أن الستر يصن رؤية بصرية avec nos yeux on verra Allah سبحانه وتعالى. قال وروى on verra Allah سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام والسنة وأن يجعلنا ممن ينظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة وفي الجنة. قال وروى صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة رواه مسلم. هذا حديث عظيم. Et ça montre en fil jannah, il y aura cette rouya, cette vision pour al-mu'minin. يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروا فيقولون ما هو إلى آخره ثم قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه. Ça c'est la plus grande récompense pour les mu'minin fil jannah. فلهذا قال في الحديث فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. فلهذا المؤمن يوافق الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يجعل أو يجعله ممن ينظر إلى وجه الكريم في الجنة. On fasse partie de ceux qui verront Allah subhanahu wa ta'ala fil jannah. On n'oublie pas mitla hadha ad-du'a al-azim. Lianna celui qui aura cette récompense, falhamdulillah, il aura tout gagné. Thumma tala lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Al-husna c'est le jannah wa ziyada c'est al-nazar ila wajhillah. Lilladhina ahsanu al-husna. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا أي ceux qui ont fait du bien, les mu'minin qui ont suivi le Coran et le Sunna, les mu'ahidin ila akhir, qui ont fait des efforts fi dinihim, qu'est-ce qu'ils auront? Al-husna أي al-jannah wa ziyada, quelque chose en plus. Cette chose en plus elle est expliquée fi hadha al-hadith. Et l'ulama al-usul cite souvent cet exemple pour montrer tafsir al-Quran bis-sunna. أي ce verset du Coran, il a été expliqué par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa'aziyada, c'est un nazar ila wajhillahi azza wa jal. Al-hadith, il est fait sahih muslim. Wa qala Malik ibn Anas, radiyallahu anhu, an-nasu yanzuruna ila Allah ta'ala bi'a'yunihim yawm al-qiyamah. Et ça, c'est aqidatu as-salaf. An-nas, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs yeux yawm al-qiyamah. Le jour du jugement. Et كذلك المؤمنون في الجنة. قال في الحاشية الأثر إلى صحيح رواه الإمام الأجري في الشريعة. وقال أحمد بن حنبل من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. وفي سنده هذا نظر إلى سيتي ست مسألة الحاشية المحقق. على كل حال نعم celui qui rejette الأدلة كما تقدم معنا لا شك أنه كافر بالله عز وجل. لكن هذا et on le répète souvent, c'est حكم على الإطلاق. أما المعين واحد كاين شبهة كي ربما étudié عند منحرف أو il a entendu أو il a lu un livre أن الرؤية c'est une رؤية بالقلب أو il n'y a pas de رؤية أو مهم تأثر بأهل الضلال. لا شك أنه se précipite pas. التكفير له شروط وله موانع. لكن tu as une règle أن celui qui rejette un texte من القرآن ومن السنة alors qu'il sait que c'est un verset du Coran ou un hadith صحيح, هذا c'est du كفر. أما l'appliquer على الأشخاص c'est un autre sujet. هذا faut bien comprendre. Ne pas qu'on soit comme certains qui lisent des versets du Coran Karim ou des hadiths du prophète Aïssa al-Salam ou des paroles de nos imams qu'Imam Ahmed ou Ghayri, et quand on lit, on entend Nafoulan, celui qui fait ça c'est un kafir, on applique sur une personne précise sans regarder al-shurut ou al-mawani et sans revenir à Ahl al-Ilm. Ça c'est كذلك un bab khatir et on l'a détaillé كثيراً ولله الحمد. اعلم أن الناس في هذه المسألة مسألة الرؤية يسون على ثلاثة أقسام. Tu as trois groupes concernant ce sujet. القسم الأول قالوا أن الله يرى في الدنيا والآخرة. Tu as un groupe qui disent que Allah سبحانه وتعالى on peut le voir في الدنيا et dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ça c'est de l'égarement. Et parmi ceux qui disent هذا الكلام الصوفية الضلال. الصوفية الضلال. أما سيأتي معنا الصحيح. قال دوزيم قسم من قال لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. هؤلاء المعطلة المعتزلة. ومن أخذ بمذهبهم. يديس que tu peux pas voir Allah في الدنيا et tu peux pas le voir في الآخرة. فنفوا الرؤية. Ça, c'est de l'égarement que ça dit. Le troisième groupe, man qala yura fil akhirah la fil dunya. Et haoula, c'est ahl sunna, ahl al-haq. Anna fil dunya, on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Amma fil akhirah, yawm al-qiyamah, et pour le mu'minoun fil jannah, bah, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik, on peut citer pour conclure, bi-ikhtisar, anna al-mu'attila, al-mu'tazila, qui ont rejeté al-ru'ya, al-basariya, avec les yeux, bien sûr, fi al-akhira, ils ont des choubahs. Et ils ont mal compris certains versets. Parmi ces versets, qawluhu azza wa jal, qala lan tarani, walakin unzur ila al-jabal. Et quand Moussa alayhi salatu salam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le voir, et Allah subhanahu wa ta'ala qala lan tarani, tu ne me verras pas. Fahum qalu, Allah il a dit lan tarani, donc on ne peut pas le voir. Ahlul haq, ils ont répondu anna al-murad bin nafi huna, nafi al-ru'ya fi dunya. L'entarani est fait dunya. L'imadha li anna, tu as ce verset et tu as l'autre verset, wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Et le Coran ne se contredit pas. Ça, ça nous montre l'importance. Quand tu veux comprendre une mas'ala akhil karim, un sujet, que ce soit fait sifat ou autre, tu dois rassembler les preuves dans ce sujet. Ammahoum, ils ont pris ce dolil, ils ont dit l'entarani. Personne ne peut voir Allah. Pourquoi vous dites qu'on verra Allah? Et tous les adillah, ils les ont délaissés. Min al-Quran ou min al-Sunnah. Ils se sont égarés. كذلك لن ليست لي التأبيد لأن en langue arabe هم يديز لن الحرف لن c'est un حرف نفي et eux ils disent c'est للتأبيد أي لن تراني أي tu ne me verras jamais. لن c'est pour l'éternité. Quand tu dis لن c'est un حرف qui montre une négation pour toujours. هذا c'est pas صواب, c'est pas صواب. لماذا؟ لأن علماء السنة ils ont cité قوله عز وجل ولن يتمنوه ولن يتمنوه أبدا من سورة البقرة. تأملوا le verset ولن يتمنوه أبدا, أي ils espéreront jamais mourir. Et قوله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك عند من؟ Qui c'est qui a compris الجمع؟ Pour montrer que l'un, c'est pas forcément pour At-Ta'bid, c'est pas forcément pour l'éternité. Aïndaman, on répète. Wa nadaw ya malik li yaqdi alayna rabbuk. Ya malik, aïe les kuffars, quand ils auront l'enfer, ils diront ya malik, aïe khazinun nar, l'ange qui s'occupe de l'enfer, ils lui demanderont li yaqdi alayna rabbuk. Aïe qu'Allah nous extermine. Et dans le premier verset, وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا, ils espéreront jamais la mort. Al-An, vous avez compris. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا, ils espéreront jamais la mort. Vous avez remarqué qu'il y a l'an. عند المعتزل المعطلة, ils disent que l'an, c'est pour التأبيد. Et ils espéreront jamais mourir. L'an, pour eux, c'est l'éternité. Donc, il n'y arrivera jamais un moment où le kafir, il espérera mourir. Tamam. Allah subhanahu wa ta'ala, fait le Coran, قال, وَنَادَوْ يَا مَالِكْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Aïe, fait dunya, al-kafir, c'est vrai, il espère pas mourir. Les malades, il y en a le kuffar, là, ils ont peur akhira, et ils ont peur de ce qui se passe après la mort, et ils aiment dunya, donc, parle à un kafir de la mort. Tu verras, c'est une des pires des choses pour eux. Ils aiment dunya. Yom al-qiyama, quand ils sont au fil nord, ça change tout. Falihada, qala azawajal, wa nadaw, ya malik, liyakdi alayna rabbuk. Et ya malik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous extermine. Et qu'on meurt, on veut plus vivre. Ils ont espéré la mort, amla. Na'am. Donc, l'an, c'est pas les ta'abid. تمام فهذا دوزيام فيرسي قوله تعالى لا تدركه الابصار اي سو سون بازي سور سو فيرسي لا تدركه الابصار الابصار سي لي زيو اي ils ont compris هم من هذه الايه ان personne ne peut voir Allah. اهل السنه والجماعه اهل الحق قالوا ان الادراك سي ديفيرون الرؤيا سي اون شوز الادراك سي اوتر شوز الادراك سي سيرني اون شوز دو توت بار الرؤيا سي لا فيزيون. نحن نذر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لكن الإدراك لا الإدراك سيغني personne ne peut avoir هذا أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل أكبر c'est الأعلى. فنحن مجرد la vision, نعم نذر الله سبحانه وتعالى. أما الإدراك c'est un mot plus fort et الله سبحانه وتعالى نفى الإدراك لا الرؤية. قال لا تدركه الأبصار, Il n'a pas dit on ne le verra pas. Là, il a dit la tudrikuhu. Al-manfi, c'est al-idrak. Et ces deux points, on les a cités min bab al-fa'ida wa illa. Et inshallah, on détaillera hada akthar dans d'autres livres quand on détaillera la réplique sur haoula ad-dullal. Naktafi bi hada al-qadr. Et on passe à notre deuxième dars.